Mais vis-à-vis des technologies que vous n'avez peut-être pas encore appréhendées, je songe singulièrement à l'ordinateur, à toute la partie informaticienne de la musique. Quelle est votre attitude? Bien, je vais vous faire un aveu. J'ai fait une petite incursion du côté de l'informatique. Mon ami Pierre Barbeau a eu la gentillesse de m'initier au secret de son art. Et c'est un art extraordinaire que le sien. Et j'ai découvert enfin, cette fantastique beauté d'une mise en place parfaite d'un programme. Un exemple enfin, de programme que je lui soumettais, un peu lourd, et où je voyais une élégance extraordinaire de trois lignes étaient transformées en une seule, et ça marchait merveilleusement bien. Et une très grande jubilation intellectuelle dans ce travail. Malheureusement, je me suis aperçue que pour maîtriser ces techniques, il me fallait au moins une bonne dizaine d'années. Puis sans doute autant pour les assimiler à ce que j'oserais appeler mon propre langage sonore, sinon musical. Et j'ai pensé que j'avais plus le temps. Mais si j'avais 20 ans de moins, je crois que je m'y serais mise. Est-ce que je peux retourner la question en songeant alors à une autre forme de technique, en revenant aux factures instrumentales? Est-ce qu'elles vous gênent, ces factures-là, quand elles sont traditionnelles? Oh non, pas du tout. Vous avez parlé d'une pièce que Gérard Frémy vous avait demandée, ce qui sous-entendait que le piano allait un jour exister dans votre catalogue. Vous êtes à l'aise également avec cela. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec la nécessité, dans certains cas, de recourir au cryptogramme, au graphisme traditionnel de la musique? C'est une approche très sentimentale. Sentimentalement, oui, sentimentalement, j'aimerais bien pouvoir simplement me mettre à une table de travail avec une feuille blanche devant moi et de pouvoir, à partir des signes, des symboles mis sur cette feuille blanche, traduire ce que j'ai envie de dire avec des sons. Malheureusement, il semble qu'actuellement, ça me soit impossible parce que le vocabulaire traditionnel ne peut pas véritablement habiller mon propos. Et puis, le vocabulaire de l'informatique, je viens de le dire qu'il me faudrait beaucoup trop de temps pour pouvoir le manipuler avec suffisamment d'aisance.